Bon, ben, moi, quand on testait le double, ce que ça fait, c'est juste que ça me le coupe. Dans le sens que je vais ressentir un vide un bout de temps, puis ça va pas nécessairement avoir l'effet que je veux. Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que je l'aime pas, mon double. Je veux dire, si je me mets à contester d'une façon, ça va s'arranger pour que je me rende compte que j'avais tort. Puis tout ce qui me vient de contestation du double, ça finit tout le temps par se retourner contre mon ego. Quand bien même que je dirais au double, que je m'opposerais au double sur tout ce qui m'arrive en disant, je vais me le faire dire, je dis, ben oui, mais ça n'a pas rapport, ça n'a rien à voir. T'auras beau me mettre ça sur le dos, ça n'a pas rapport avec moi. Le double, quand on s'astralise, puis qu'on réfléchit, puis tout, on se coupe d'avec. Mais c'est le mouvement, il vient de l'ego. Après, le double, il n'est plus capable de. Quand quelqu'un est extrêmement anxieux, ou extrêmement stressé ou extrêmement pollué, le double, il n'est plus capable de communiquer avec, là. Non, je comprends parce que la réflexion fait interférence, puis c'est un peu un cercle vicieux parce que plus qu'elle réfléchit, moins elle peut capter la vibration subtile du double. C'est un peu comme un nuage qui fait obstacle à la perception des rayons du soleil. Oui, fait que là, si je me mettais à confronter le double, dire tu m'envoies des pensées qui m'empêchent de dormir, je vais me le faire dire que c'est pas vrai. La pollution dans l'ego, pour qu'elle se défasse, faut que l'ego il se rende compte qu'il est subjectif. Dans le sens que si j'avais pensé que c'était le double qui m'empêchait de dormir, je m'en serais jamais sorti. Tu sais, cette pensée-là aurait été vraiment une des pensées qui n'a pas d'allure avec le reste, là, ça aurait fait partie de la pollution. Mais là, à un moment donné, ce qui va finir par arriver, c'est que tu es tellement en colère, puis tu finis par te rendre compte, parce que tu n'as pas le choix, tu finis par te rendre compte que c'est toi le problème. Fait que dans le fond, tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu fais qui engendre, puis tu arrêtes de le faire. C'est pour ça que l'affaire, je vais avoir de la pensée positive pour me garder en santé, puis tout. La santé va surtout être engendrée par la façon de vivre.